Chapitre 21e. Les enfants avaient déjeuné. Claire, Rory et Jeannette étaient partis au marché. Se retrouvant tous les quatre, ils se concertaient pour savoir ce qu'ils feraient de leur journée. J'ai eu une idée, fit James. Vas-y, on t'écoute, rétorqua Jordan. Et si on faisait un petit tour dans le jardin, dans la voiture d'oncle Jesse? Il faudrait lui demander de nous conduire. Et pourquoi seulement dans le jardin? Demanda Jordan. Tu n'y es pas du tout. Je conduirai. Tu es malade? Premièrement, tu ne sais pas conduire. Et deuxièmement, si père te voyait faire ça, tu prendrais une sacrée volée. Bah, il n'en saura rien. Il est bien trop occupé avec ta mère. Allez, les filles, on y va. Jessica et Joyce hésitaient. Jordan refusa catégoriquement, incitant fortement son cousin à se tenir tranquille. Mais quoi qu'il fît, tous ses arguments tombèrent à plat. Et c'est avec horreur qu'il vit ses cousins et sa sœur se précipiter sur la voiture. « Ne faites pas ça, c'est trop dangereux !» Il eut beau leur crier sa peur, rien n'y fit. Il vit James mettre le moteur en marche, desserrer le frein, et la voiture s'ébranla doucement. « Oh, regarde, Froussard !» lui cria James. « Tu vois que je sais conduire. C'est vraiment pas sorcier. Eh bien, à tout à l'heure, cousin !» Les trois enfants s'éloignèrent en riant et discutant joyeusement. Jordan, inquiet, prit le parti d'en avertir quand même son père. Il hésita devant la porte de la chambre de ses parents, mais prenant son courage à deux mains, il frappa. Jesse ouvrit et curieux de voir son fils. « Que fais-tu ici tout seul ?»« Ah, j'ai compris, tu veux de l'argent pour pouvoir aller au cirque avec ta sœur et tes cousins. Excuse-moi, j'ai complètement oublié de t'en donner hier soir quand tu m'en as parlé. Attends, je vais aller en chercher. » « Papa, non, ce n'est pas ça. » Étonné, Jesse revint sur ses pas en fronçant les sourcils devant la mine inquiète de son fils. « Que se passe-t-il, Jordan? Aurais-tu des ennuis ?»« Non, pas moi. Enfin... »« Bon, écoute, si c'est important, tu parles tout de suite. Sinon, il faudra que ça attende demain matin. Aujourd'hui, vous avez quartier libre et j'emmène ta mère se promener en voiture. »« Justement, c'est de ça que je voulais te parler. »« Écoute, je ne peux pas t'emmener, c'est clair ?» « Si vous vous êtes encore disputé, il faudra faire la paix. Aujourd'hui, je le consacre uniquement à ta mère. »« Papa !» cria Jordan à bout de nerfs. « Écoute-moi à la fin !» Rendu soudain muet par l'insolence de son fils, il écouta enfin ses explications. « Quoi ? Ils sont partis avec la voiture ? Depuis combien de temps et dans quelle direction ?» Après avoir fourni tous les détails, Jesse rentra en trombe dans sa chambre, prit sa veste et ressortit en coup de vent. Alice, qui était fin prête, le vit passer à toute vitesse et n'eut même pas le temps de lui demander ce qui arrivait. Elle éclaircit le mystère en le demandant à son fils. « Oh mon Dieu » fit-elle, « ce n'est pas possible. Ton cousin n'oserait jamais faire une chose pareille. Une telle stupidité, cela dépasse l'entendement, je ne peux pas le croire. »« Tu peux me croire, maman, et je t'avoue que je suis très inquiet. »« Bon sang, mais quelle mouche l'a piqué !» Elle descendit à toute vitesse, suivie de Jordan, et ils se précipitèrent à la suite de Jesse à travers l'immense jardin. Alice priait silencieusement pour que le pressentiment qu'elle avait eu le matin même ne se réalise pas. Elle aperçut enfin Jesse courant comme un perdu derrière cette maudite automobile qui prenait à chaque tour de roue un peu plus de vitesse. Le jardin descendait en pente douce jusqu'à la falaise qui surplombait la mer. Elle entendit Jesse donner des conseils à son neveu et ce dernier qui lui hurlait qu'il ne savait pas comment faire pour arrêter cette maudite machine infernale. Jesse cria de plus belle. « James, braquez à gauche. Si vous continuez dans cette direction, vous allez vous fracasser sur la plage en contrebas. Tu m'entends, James ?»« C'est trop dur, oncle Jesse, je n'y arrive pas. »« Écoutez-moi, il va falloir que vous sautiez tous. »« On n'y arrivera pas, on va trop vite. On va se faire trop mal et on a peur. » « Bon sang, écoutez-moi. Quand je vous dirai de sauter, il faudra le faire et tout de suite. Vous allez vous tuer, les enfants. Je vous en supplie, écoutez-moi. » Jesse courait toujours derrière la voiture, devenue folle et qui se rapprochait de la falaise dangereusement. « Maintenant, les enfants, sautez, le faut, tout de suite, sautez !» Mais à bord de la voiture, les trois gamins s'étaient pétrifiés à l'approche du vide et restèrent tétanisés. Jesse hurlait et courait, les exhortant toujours à sauter, lorsqu'il vit avec horreur l'automobile atteindre le bord de la falaise et lentement basculer dans le vide. Jesse, Alice et Jordan, glacés d'horreur, entendirent la violente explosion. Aussitôt, dans un grand hurlement, Alice s'affaissa, évanouie. Jessie n'arrivait plus à avancer. Lentement, comme au ralenti, il atteignit le bord de la falaise et ce qu'il y vit le fit tomber à genoux. Jordan, quant à lui, atterré, cria, les yeux baignés de larmes, « Papa, papa !» Jessie ne pouvait se relever. Il se détourna et vomit longuement. Au bout de quelques minutes, enfin, il se redressa et chancelant, blanc comme un linge, tremblant de tous ses membres, alla rejoindre sa femme, toujours sans connaissance. Assis auprès d'elle, lui caressant le visage, il pria pour qu'elle lui pardonne un jour d'avoir acheté cette maudite machine. Lorsque Claire et ses parents revinrent du marché, tout joyeux, ils trouvèrent Jessie, Alice et Jordan assis sous le grand châtaignier, accablés. Ils se précipitèrent aussitôt vers eux en laissant tomber les provisions. « Vous en faites des têtes, » dit Rory. « Que s'est-il donc passé ici ?»« Quelle bêtise avez-vous encore faite ?» demanda-t-il à Jordan. Celui-ci se leva et partit en courant à l'intérieur de la maison. Très inquiets à présent, ils exigèrent des explications que finalement Jessie, avec des mots hachés, finit par leur donner. Rory mit une main sur son cœur et Jeannette essaya de retenir Claire qui sombra dans l'inconscience. Cette dernière resta dans le coma de nombreuses semaines et, lorsqu'elle prit enfin connaissance, il fallut la faire manger, l'habiller et lui donner des ordres comme à un petit enfant. Alice glissa dans une forte dépression dont elle ne ressortit que grâce à sa force et à son devoir d'épouse et de mère. Jordan resta prostré plusieurs mois sans parler, faisant les choses courantes comme un automate. Rory et Jeannette, plus âgées que jamais, essayaient tant bien que mal de résister à la mélancolie ambiante et apportaient leur soutien du mieux qu'ils le pouvaient. Jessie assumait la faute à lui tout seul. Il s'occupa des obsèques de sa femme, de sa belle-sœur, ainsi que de son fils avec tout le dévouement dont il se sentait capable. Mais au fond de lui-même, quelque chose s'était brisé à jamais. Il demanda à Mike de s'occuper de la banque et de former son fils Daniel pour son remplacement, ce dernier ayant l'âge de Jordan. La femme de Mike était morte en le mettant au monde. Mike le destinait justement à prendre sa relève. Il essaya bien de convaincre Jessie de revenir, mais celui-ci avait pris sa décision. Il ne reviendrait à la banque que si sa famille un jour parvenait à se passer de lui. Pour le moment, il n'en était rien. Jessie n'était pas loin de penser que, décidément, la famille Emerson était maudite. Resterait-il seulement un de ses membres en vie pour perpétuer la lignée? Bien sûr, Jordan était vivant, mais dans quel état? Reparlerait-il seulement un jour? Serait-il capable d'être autonome? Et si lui et sa mère disparaissaient à leur tour, qui pourrait l'aider et le protéger? En quelques mois, Jessie se voûta, ses cheveux devinrent blancs, et il marchait presque comme un vieillard. Le poids de la culpabilité l'accablait. Claire ne mangeait presque plus. Elle ne pouvait plus marcher et restait toute la journée alitée, Jeannette auprès d'elle. Au mois de novembre, on l'enterra avec ses enfants. Le bel été se terminait en tragédie. Un beau matin ensoleillé et froid de décembre, Jordan sortit de son long mutisme. Il s'ébroua et, voyant ses parents devant lui si malheureux, il éclata en sanglots et se précipita dans leurs bras. « Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. » « Mais mon chéri, nous n'avons rien à te pardonner, » répondit Alice. « Si j'avais eu un peu plus de courage, quitte à me battre avec lui, j'aurais empêché James de prendre ta voiture. Il ne serait pas arrivé cette horreur. Si vous saviez comme je m'en veux, je ne sais même pas si je pourrais vivre avec ce poids sur le cœur. Tu n'as absolument rien à te reprocher, dit Jessie. C'est moi, dit-il gravement. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais jamais dû sortir cette machine avant de partir, et puis, surtout, je n'aurais jamais dû l'acheter. La voix d'Alice se fit soudain entendre. Assez, tous les deux. Personne n'est responsable, sauf peut-être les responsables eux-mêmes. Si la cause n'avait été l'automobile, cela aurait été autre chose. C'était l'horreur, et personne n'y pouvait rien. La seule chose intelligente à faire désormais, c'est d'être solidaire dans ce drame et de se serrer les coudes. Il faut essayer non pas d'oublier, mais de s'aimer plus fort encore. N'oubliez pas les pauvres Rory et Jeannette. Ils ont tout fait pour nous sortir de cet enfer sans penser à eux. Je crois qu'il faudrait à notre tour assumer et leur montrer que nous sommes là et que nous les aimons aussi très fort. Mes pauvres parents sont comme nous, si affligés. Ta mère a raison, mon fils, même si toute ma vie je me sentirai coupable. Il faut remonter la pente et aider tes grands-parents. Je suis heureux que nous ayons pu en parler. Maintenant, petit à petit, la vie va reprendre ses droits. Je me sens si seule, dit Jordan, les yeux dans le vide. N'oublie pas, je n'ai pas de jumelles, mais j'ai perdu ma sœur, et c'est exactement la même chose. Jordan, tu ne pourras jamais oublier complètement ce drame. Pourtant, crois-moi, avec le temps, la douleur finira par s'atténuer. En attendant, nous sommes là, si tu veux nous parler. Si tu te sens trop triste ou seul, viens nous voir, mon enfant. Tu peux aussi aller vers tes grands-parents. Cela leur fera beaucoup de bien. Merci, maman, et toi aussi, père, pour vos précieux conseils. Il faut désormais que je grandisse et que j'assume tout cela. Je vais aller faire un brin de toilette et demander aux grands-parents s'ils ont besoin de mon aide. Il quitta la pièce et Alice soupira. C'est un bon petit. Que serions-nous devenus si nous les avions tous perdus? N'y pense même pas, ma douce. Comme tu l'as si bien dit à ton fils, il faut à présent regarder vers l'avenir. Ce qui arrivera, Dieu seul le sait. Et dans ce grand malheur, nous avons eu de la chance. Il nous reste un enfant.